Povera. Une semaine un peu particulière puisqu'il y a des cours qui accueillent les secondaires et donc les clés se promènent un peu dans le bâtiment. Bien, il y a deux semaines qu'on ne s'est plus vu, donc on va juste faire un rapide refresh. Ça, on l'avait vu ensemble, c'est clair. Vous ne m'entendez pas, donc je vais parler plus fort et vous allez moins chuchoter, comme ça vous allez bien entendre. Ok, donc un rapide refresh puisqu'il y a deux semaines qu'on ne s'est pas vu. Ça, champ de la communication, on l'avait vu, d'accord. Rappelez-moi, je vous avais parlé de systémique. Non. Non. Je n'ai pas parlé de systémique, non. Personne. Ok, donc ça, on abordera aussi aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va commencer le gros morceau du chapitre. Comment va-t-on construire une stratégie de communication interne? Et quels sont finalement les préalables à la construction de ce type de stratégie? Alors, première chose que vous devez savoir, c'est que à l'heure actuelle, la communication interne et les entreprises, quelles qu'elles soient, donc toutes les organisations, font face à trois défis. Le premier étant ce qu'on appelle aujourd'hui dans les entreprises l'inversion de la courbe démographique. À quoi est-ce que ça fait référence, d'après vous? On parle de courbe démographique dans le monde du travail aujourd'hui. Quel est l'enjeu? Le vieillissement de la population. Alors, le vieillissement de la population, ça fait effectivement pas mal de personnes qui sont hors du circuit du travail, qui sont en pension et qui en soi ne devraient pas poser de problème aux entreprises puisqu'à la limite c'est un marché croissant. Vous entendez parler de ces défis-là aussi, c'est tout le marché des seniors. Par contre, ça pose un problème interne important aujourd'hui. Lequel d'après vous? Les gens qui partent en pension maintenant, c'est quelle génération? Oui? Les baby-boomers. Et les baby-boomers, ça veut dire que c'est une partie importante de la population active qui, entre, ça a déjà commencé donc, il y a 5 ans et dans les 5 ans qui viennent, vont partir en pension. Ça représente un tiers du personnel des organisations. Donc on n'a jamais vécu ça. En termes de changement dans les entreprises, c'est colossal. C'est plus de 30% du personnel qui est renouvelé en moins de 10 ans. Et donc, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence pour nous en communication interne? À quoi est-ce que vous allez devoir être attentif? Quelles vont être les difficultés? On se réveille, vous pouvez parler. À votre avis? Si vous changez un tiers de votre personnel sur un laps de temps très court, qu'est-ce que ça va provoquer dans l'entreprise? Rappelez-vous ce qu'on a dit à la première séance. Ça va modifier, ça va impacter considérablement la culture de l'entreprise. Et cette modification est d'autant plus importante que s'y greffent toutes les problématiques liées aux nouvelles technologies. Et donc, comme évidemment, ce sont tous les anciens, on va dire, qui sont les moins technologues, c'est un peu cliché, hein, d'accord, qui partent et qui sont remplacés par les plus jeunes, on va avoir aussi une élévation rapide et importante de l'usage des nouvelles technologies dans les organisations. Avec un impact sur la communication interne, évidemment. Parce que vous allez devoir vous adapter à ces nouveaux publics et leur parler différemment. qu'est-ce qu'il y a comme autre enjeu là derrière? À nouveau, si vous avez un tiers de votre personnel qui part en pension sur moins de 10 ans, ceux qui partent sont les plus âgés, hein, donc ceux qui ont le plus d'expérience et de connaissance de l'entreprise. D'accord? Donc le problème qui se pose aujourd'hui, c'est la gestion de la connaissance. Pourquoi? Parce que ces personnes qui partent sont aussi les personnes qui ont grandi, qui ont travaillé, qui ont évolué dans les anciens systèmes de management. Rappelez-vous le reportage il y a 15 jours, d'accord? Les systèmes un petit peu verticaux, le chef garde l'information parce que c'est le pouvoir, parce qu'il est le seul à savoir, etc., etc. Ce sont ces gens-là qui partent. Mais ils partent avec un savoir, ils partent avec une connaissance, avec de l'expérience. Et donc, il y a aussi un danger pour les organisations, pour les entreprises, à voir partir ces gens sans avoir d'abord capté l'ensemble de cette connaissance. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous devez absolument être conscient, quel que soit le domaine de communication dans lequel vous voulez travailler dans les organisations, où que vous soyez, la gestion de la connaissance, c'est l'enjeu majeur. Avant, on mettait les valeurs d'une entreprise dans un coffre où on cachait ses économies sous son matelas. Aujourd'hui, ce sont les données. Les données ont beaucoup plus de valeur que l'argent ou tout autre type d'investissement. Et ces données sont tout aussi importantes en communication interne. D'accord ? Donc, cette inversion de courbe démographique, c'est un enjeu important parce que la communication interne va avoir à nouveau comme rôle dans cette problématique d'expliquer les choses pour réduire les tensions à l'intérieur, d'expliquer les nouveaux modèles de management, d'expliquer ce qu'on va mettre en place pour gérer la connaissance et essayer de faire en sorte de ne pas à chaque fois tout reprendre de zéro. Ce que je vais vous dire maintenant va peut-être vous effrayer. Il y a des grandes entreprises en Belgique et un peu partout dans le monde avec lesquelles vous travaillez régulièrement, comme les banques, les assurances, les pharmaceutiques, tout ce que vous voulez, donc avec qui vous êtes quand même en relation commerciale. Aujourd'hui, ces entreprises ont des routines informatiques qui tournent et qui font fonctionner leur système. Et plus personne ne sait comment les réparer si elles se plantent. Ils le savent, c'est un risque calculé. Si ça se plante, ben on recommencera, on réécrira autre chose. Parce qu'à l'époque où on l'a mis en place, on n'a pas documenté le code. On n'a pas capté la connaissance. Et décider aujourd'hui de tout réécrire, ça coûte trop cher. Donc on espère que ça continue à tourner. Parce que peut-être que d'office, ce sera remplacé par autre chose. Et si ça se plante, ben on verra à ce moment-là ce qu'on fait. C'est effrayant, hein? C'est comme ça. Donc, premier défi, inversion de la courbe démographique. Deuxième, qui est un petit peu, beaucoup intimement lié, la gestion du changement. Qu'est-ce que c'est pour vous le changement? Ça peut être ça. Et plus, allez, on va dire de façon plus théorique, comment vous pourriez définir le changement? C'est un nouveau facteur qui apparaît dans votre environnement, ou c'est une modification d'attitude. Si votre coloc décide tout d'un coup ce soir de ranger le paquet de café ou de sucre dans une toute autre armoire parce qu'il trouve ça plus joli, qu'il avertit personne, vous, ça va peut-être vous mettre les boules, quoi. parce que c'est justement au moment où vous en avez besoin, dans l'urgence, que vous n'allez pas trouver le paquet puisqu'il a changé de place. C'est un changement d'habitude. Et on n'aime pas les changements d'habitude. D'accord ? Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait dans les entreprises ? On change tout le temps. Le changement est devenu ce qu'on appelle la nouvelle normalité. Pourquoi on change tout le temps ? Ah ben parce qu'un jour, vous avez la nouvelle version d'Office qui est chargée sur vos ordinateurs parce que le département informatique a décidé qu'il fallait l'installer. On vous prévient la veille et on ne vous dit pas forcément comment faire pour vous y retrouver dans la nouvelle version et où vous allez retrouver les fonctions qui sont importantes pour vous. Ce serait trop facile. Donc, changement qui implique un effort pour s'adapter. Vous avez les changements de structure. Vous avez les changements classiques au niveau de produits, de services, de tarification, de projets. Donc, l'entreprise, les organisations sont dans des moments de changement permanent. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui. Surtout quand vous devez faire face à des changements importants, comme des modifications de structure, comme des fusions. Pourquoi ? Parce que les personnes qui décident ça, qui sont en général les membres d'un comité de direction, quand elles ont décidé d'un nouveau changement d'organisation, par exemple, et puis qu'on communique ça au middle management et qu'on demande de l'implanter. Pendant qu'on implante ce changement, que fait le comité de direction ? Oui ? Pas d'idée ? Il pense au changement suivant. D'accord ? Il y a une règle un peu humoristique comme ça qui dit, c'est le 3333 je pense, c'est 3 mois pour réfléchir au projet, c'est 3 semaines pour le formaliser, c'est 3 minutes pour le communiquer et c'est laisser 3 secondes pour le mettre en place. Ça devrait être l'inverse, enfin, toute proportion gardée. D'accord ? Donc vous devez être conscient de ces phénomènes parce qu'à nouveau, c'est à partir du support de la communication interne que vous allez pouvoir aider les changements à s'opérer. Toujours suivant le même principe dont on avait parlé quand on a vu le champ de la communication, c'est que l'objectif de la communication interne est de donner du sens. Donc si vous opérez un changement dans une entreprise, il faut l'expliquer, il faut donner le sens de ce changement. Sinon, les gens ne vont simplement pas le faire. Ça vous plaît quand on vous demande de changer les habitudes ? Pas vraiment, on n'a pas envie, hein ? Pourquoi ? Parce que ça demande un effort de modification. Et si on peut l'éviter, on l'évite. Et c'est comme ça que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà entendu dans des périodes de stage, ou bien vous l'entendrez non plus dans 18 mois, mais dans 17 quand vous serez sur le marché du travail, dans les entreprises, des gens qui disent « Ouais, t'inquiète pas pour le changement qu'on annonce, ça fait 20 ans qu'on fait comme ça, on laisse passer, on continue comme si de rien n'était. » Ça, c'est la résistance au changement. Et ça, ça bloque aussi les entreprises. À nouveau, rappelez-vous le reportage qu'on avait vu et ce que Isaac Getz en disait sur la satisfaction des personnes au travail, sur le sens qu'on donne à leur action, sur l'information qu'on leur donne. Tout ça est lié, ça forme un tout. Ça va ? Donc c'est le deuxième grand défi, la gestion du changement. Troisième défi, la complexité des publics avec un S à public, il est resté dans mon doigt. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les publics internes sont plus complexes ? d'après vous. Allez, on se réveille. Qu'est-ce qui fait que vous pouvez avoir des publics internes dans les organisations qui sont plus complexes qu'avant? Il y a des spécialisations, oui. Ils sont plus variés. Variés pourquoi? Sur quels critères? On peut avoir différents secteurs, mais on peut avoir différentes cultures. On peut avoir différentes localisations géographiques. Aujourd'hui, vous avez même des PME de 10-20 personnes. Vous avez un bureau central avec 10 personnes à Bruxelles. Vous en avez 5 à Londres et 5 à New York. En communication interne, ce n'est pas évident. Parce que ces publics n'ont pas forcément les mêmes besoins. D'accord ? Donc, aujourd'hui, on est face à des organisations qui, avec la mondialisation, avec la dérégulation, se sont très fort écartelées, si je peux m'exprimer ainsi, et qui font que finalement, vous avez une segmentation des différents publics internes qui n'ont pas les mêmes besoins en termes d'information. Alors, pourquoi est-ce que ça va être un défi de communication interne ? Qu'est-ce que vous pourriez vous dire? Vous êtes face à vous, ok, j'ai un public segmenté. Qu'est-ce que je fais? Comment je vais communiquer à ces gens? Quelle stratégie je vais choisir? C'est semaine de congé, hein? Oui? Alors ça, c'est une bonne réflexion. C'est ce qu'on doit essayer de faire, c'est de faire en sorte finalement de pouvoir diffuser une information qui soit valable pour tous, pour maintenir une cohésion. Mais face à ça, vous avez une pression de ces publics qui, eux, demandent une information différenciée. Et donc, il faut trouver l'équilibre et pouvoir satisfaire les deux si vous ne voulez pas que des petits systèmes de diffusion d'informations commencent à se développer autour de vous, dont à la limite vous n'avez même pas connaissance, parce que dans un secteur de l'entreprise, on décide qu'on n'a pas suffisamment d'infos de la com interne, donc nous, on doit développer nos propres outils pour y arriver. D'accord ? Donc cette segmentation est un vrai défi pour maintenir la cohérence de l'entreprise. Et à nouveau, éviter ce qu'on voyait dans le reportage, c'est le travail en silo où on est département par département et à la limite, on ne regarde pas ce qui se passe dans le département voisin. Ce qui peut entraîner des problèmes relativement importants. Ça va ? Au clair avec ça ? Donc ça, ce sont les trois grands défis dont vous devez avoir conscience avant même on commence à travailler sur la construction d'une stratégie de communication. Après, toujours avant de commencer à travailler sur cette stratégie, vous devez avoir en tête aussi que pour l'instant, on a encore toujours trois grands modes de communication interne qui traversent les organisations. La première étant la communication interne opérationnelle. C'est celle qui fait partie du cadran supérieur gauche du schéma du champ de la communication. Ça correspond à toutes ces informations dont on a besoin pour faire son job au quotidien, y compris en grande partie l'information managériale. Ce que chaque responsable, qu'on soit en ligne ou qu'on soit responsable d'un projet, doit transmettre comme information pour que ses collègues puissent travailler. D'accord ? L'exemple typique que vous connaissez, vous êtes dans une file aux caisses dans une grande surface, le code barre ne passe pas, soit on le tape si on sait le déchiffrer, si ça ne passe toujours pas, vous avez tout de suite quelqu'un qui appelle parce que l'opération doit continuer. C'est ce type d'information qui est la base et la colonne vertébrale de toute organisation. Si si l'information opérationnelle est déficiente, votre entreprise risque tout simplement de s'effondrer. Deuxième mode, c'est ce qu'on va appeler la communication interne intégrative. C'est celle où on va faire en sorte que les différents acteurs au sein de l'entreprise apprennent à se connaître, à se parler en fonction de leurs différents projets. Et c'est là où on va jeter les bases d'une culture d'entreprise. On va progressivement mettre tout ça en place. C'est le niveau de communication qui est essentiel pour mettre en place les bases de la motivation du personnel. Attention, je n'ai pas dit pour motiver le personnel, hein, mais bien pour mettre en place les conditions qui font que les membres du personnel pourront eux-mêmes se motiver par rapport à leur boulot. D'accord ? Donc ça, c'est la communication interne intégrative, c'est la deuxième couche. La troisième couche qui est finalement l'idéal à atteindre, c'est la communication interne qu'on va concevoir comme étant une micro-société où vous avez une culture d'entreprise forte et où vous avez des modèles de gestion qui s'apparentent à ce qu'on a vu dans le reportage au niveau des entreprises libérées et où l'ensemble des acteurs de l'entreprise, quel que soit leur métier ou leur fonction, travaillent pour un même but, en ayant pleine connaissance du sens à la fois de leur métier, mais aussi de ce que fait l'organisation et de ce que sont les objectifs de base. Est-ce que ça c'est clair pour vous? Ces trois éléments. L'information opérationnelle, c'est celle dont tu as besoin pour faire ton job. Donc si tu arrives le matin, que tu as oublié ton mot de passe et qu'il n'y a personne qui peut te réinitialiser, c'est l'information opérationnelle, tu ne vas pas que tu t'en veux. Ok ? Bien, on va tout doucement, on va commencer à parler de stratégie de communication interne. Mais pour ça, c'est peut-être intéressant de se poser la question, finalement, qu'est-ce que c'est une stratégie ? Parce que vous avez probablement déjà entendu parler de plans de communication, ou de politique de communication, de stratégie de communication. Qu'est-ce que ça veut dire, stratégie ? Stratégie, ça évoque quoi pour vous ? Oui ? Une sorte de plan d'attaque. De manière que j'avais. Alors, le plan d'attaque ou le plan d'action, on va être un peu plus soft, hein, d'accord, on est encore en Europe. Le plan d'action fait partie de la stratégie. Simplement, c'est l'élément qui vient après les éléments stratégiques eux-mêmes. C'est une ligne de conduite, et cette ligne de conduite, finalement, elle dit qu'on va avoir une intervention réfléchie, délibérée, décidée, systématique, pour atteindre un objectif précis, voire modifier certains comportements. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une action qui est délibérée. C'est ça une stratégie. Mais c'est dans l'absolu, c'est pas encore le plan d'action. D'accord ? On verra des exemples un peu plus tard de la différence qu'il y a entre les deux. Mais retenez déjà que quand vous allez entendre parler d'objectifs stratégiques, puisque finalement c'est à ça qu'on doit arriver quand on construit une stratégie de communication quelle qu'elle soit, c'est se fixer des objectifs stratégiques. Un objectif stratégique, c'est toujours du long terme. Et du long terme aujourd'hui, c'est minimum 3 à 5 ans. Ça devrait vous faire réagir, ça. Vous vous fixez des objectifs à 3 ou 5 ans ? Réfléchissez un peu chacun deux minutes et vous dire, tiens, c'est quoi mon objectif à 5 ans ? Qu'est-ce que je voudrais être dans 5 ans ? Qui peut répondre à la question ? On n'a pas l'habitude, on n'a plus l'habitude de faire du long terme. Hein. Mais en communication interne, vous devez le faire. C'est essentiel. Pourquoi ? Parce que le long terme, c'est le cap à suivre, comme c'était dit tout à l'heure. C'est la direction, c'est l'intention. Et si vous n'avez pas un cap bien délimité, vous allez commencer à zigzaguer ou bien à faire beaucoup de détours et prendre donc beaucoup plus de temps et d'énergie pour peut-être arriver à l'objectif fixé. D'accord ? Donc, un objectif stratégique, c'est toujours, toujours, toujours du long terme. À côté de ça, vous avez ce qu'on appelle des objectifs opérationnels, et eux sont à court terme, parce que les objectifs opérationnels sont liés à des actions bien précises, et qui, elles, sont définies pour atteindre, quand on va les cumuler, l'objectif stratégique. C'est bien clair la différence entre les deux ? On y reviendra encore, hein. C'est important parce que dans pas mal d'organisations, il y a encore des gens qui s'en mêlent les pinceaux avec ça. Bien. Avant de construire une stratégie pour une organisation, j'imagine que vous serez d'accord avec moi que il est peut-être de bon ton de s'informer un peu de cette organisation, de cette entreprise, de savoir qui elle est, quelle est son identité, de quoi on parle. Sinon, vous n'avez pas une stratégie dans le vide. Et donc, on va partir à la découverte de tous ces éléments maintenant, avec un petit outil qui a été mis en place par Thierry Libart, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, qui est ce que lui appelle la boussole de l'entreprise. La boussole de l'entreprise, c'est relativement simple. C'est finalement se dire que les quatre questions que vous voyez là, ça forme le cœur de la communication interne et c'est ça qui va donner le sens. Maintenant, les questions paraissent simples. Les réponses sont peut-être nettement moins évidentes. Vous allez les retrouver dans... Bien, alors on va commencer par la première question. Oui. Peut-être informer aussi que stratégie vient du grec le capitaine. Je vois qu'on parle de boussole, de cap, donc... C'est cohérent. Merci. Peut-être un petit lien en plus. Alors, première question, où va-t-on ? Mais la question du « où va-t-on » c'est la plus importante. C'est celle qui va donner du sens à l'action de l'entreprise. Répondre à cette question « où va-t-on » c'est finalement définir l'identité de votre organisation. Et pour ça, on a quatre éléments. Vous voyez que les trois premiers, vision, mission, valeur, ça constitue ce qu'on appelle, pour une organisation, le socle identitaire. C'est la base qui, idéalement, doit exister et qui permet à tout un chacun, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur, de comprendre ce que fait cette entreprise et quel est le sens de son action. Et puis, si vous ajoutez le quatrième élément, qui sont... non seulement la charte graphique, mais aussi tous les codes de communication qui sont utilisés, vous obtenez ce qu'on appelle une plateforme de marque. Et la marque, ce n'est jamais que l'expression à l'extérieur de l'identité de l'entreprise qui normalement est construite et vécue à l'intérieur, si on veut être cohérent. D'accord ? Donc on en revient toujours à cette idée que l'interne est le cœur et le point de départ de toute action. Détaillons un peu tout ça. Qu'est-ce que c'est pour vous une vision ? Quelle idée ? Quand vous entendez le mot vision, ça vous fait penser à quoi ? Oui, c'est ce vers quoi on a envie d'aller, c'est vers où on veut tendre, d'accord ? Donc la vision, c'est l'idéal à atteindre. C'est un petit peu l'idée du discours sur le rêve de Martin Luther King, pour ceux qui s'en rappellent peut-être encore. Ça va ? Donc la vision est vraiment quelque chose qui doit être ambitieux, qui est même quelque chose qu'on atteint peut-être pas ou jamais. Mais c'est ambitieux et ça donne la direction, ça donne le cap. Ensuite, vous avez là où les missions. Qu'est-ce que c'est les missions ? C'est finalement la manière, la façon dont on va, ce qu'on va mettre en place pour tendre vers la vision qui a été exprimée au-dessus. D'accord ? Donc les missions d'une entreprise, ce sont les bases, ce sont les premiers axes stratégiques. Et c'est aussi quelque chose qui reste relativement général. C'est à ne pas confondre avec des objectifs, où ça c'est encore une couche en dessous, où on est vraiment dans de l'action et des choses très précises et mesurables. Ici, on est dans la définition d'identité, donc ce sont les grands axes. Et puis, vous avez les valeurs. On en a déjà parlé quand je vous ai parlé de culture d'entreprise. On a parlé de culture d'entreprise, hein. Oui, je ne me trompe pas. Donc, on avait défini les valeurs à ce moment-là. Bien, ce sont ces valeurs-là qui, normalement, sont ou devraient être le plus souvent des valeurs morales ou à tendance morale. D'accord ? Après, charte graphique et code, vous savez ce que c'est qu'une charte graphique, j'imagine. Pas l'objet du cours ici, mais vous voulez en savoir plus, vous trouverez suffisamment d'informations ailleurs là-dessus. Mais c'est aussi très important. Un petit mot là-dessus quand même. Quand on parle de charte graphique, souvent on pense à la communication externe. La communication interne doit la respecter aussi. Il n'y a pas de raison que l'identité ne soit pas affirmée à l'intérieur. Et ça doit être cohérent. Et donc, si vous vous rappelez les défis dont on a parlé il y a quelques minutes, dont la multiplicité des publics, si un jour vous êtes responsable de communication interne et que vous avez des responsables de département qui viennent vous voir en disant « Je voudrais un logo pour mon département », vous allez répondre quoi ? Pensez à ce qu'est votre mission en communication interne, vous allez répondre quoi à ce type de demande ? Que c'est pas l'interne de faire le logo. Non, exactement. Non seulement c'est pas à vous à le faire, mais en plus. Tout doit rester cohérent. Donc idéalement, il ne faut pas le faire. Donc la réponse, c'est non. C'est non seulement on ne le fera pas, mais on vous demande de ne chercher nulle part ailleurs pour le faire, parce que ça ne correspondra pas à l'identité de l'entreprise à l'intérieur. Alors après, ça c'est une réponse qui est un peu brutale, qui ne va pas satisfaire votre collègue. Donc la deuxième étape, c'est de dialoguer un peu avec lui et de lui poser des questions pour savoir, mais quelle est réellement ta demande? Quel est le besoin? Quel est le problème? S'il y a un besoin d'identification d'un département en particulier par rapport à d'autres, mais il y a peut-être d'autres moyens pour le faire. Et là, on peut être créatif et en trouver. Mais certainement pas en créant des codes comme un logo qui va venir perturber la lecture de la marque et de l'identité globale de l'entreprise. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on va s'identifier plus à son département qu'à l'entreprise de façon générale. Ce qui, le plus souvent, va poser problème si ça existe. D'accord ? Donc, retenez, charte graphique et code, à l'intérieur, il faut les respecter aussi. Autre chose que vous devez savoir avant qu'on voit un exemple pour illustrer ça, beaucoup d'organisations, beaucoup d'entreprises se trompent et se trompent parfois lourdement quand elles font l'exercice de définition de vision, mission, valeur. Premier type d'erreur que vous allez voir, on va dire qui est moyennement importante, c'est que vous avez beaucoup d'organisations où on inverse vision et mission. On met la mission au-dessus. Je suis désolé, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est la vision qui est le cap, pas la mission. Le problème, c'est que vous avez beaucoup de grands consultants qui vendent l'inverse, donc c'est pas toujours facile à corriger. Vous devez le savoir. Après, si ce qu'on met à l'intérieur est correct, c'est pas encore trop grave. C'est une question, comme je vous l'ai dit aussi au premier cours, d'avoir un dictionnaire commun. Mais si c'est pas bien exprimé à l'intérieur, ça peut poser problème, à la fois pour le personnel et pour le grand public. Donc sachez que cette inversion peut exister. Deuxième erreur fondamentale que vous voyez chez les entreprises, c'est de confondre la vision avec un objectif opérationnel. Et donc, vous avez comme ça des entreprises qui vont mettre dans leur vision, on veut être les leaders européens dans notre marché. Est-ce que vous trouvez que c'est une vision ? C'est juste un objectif commercial qu'il va falloir chiffrer et mesurer. Mais ça n'a rien à voir avec une vision qui est un cap ambitieux pour diriger l'entreprise. La vision d'être leader européen dans notre marché, toutes les entreprises peuvent l'avoir. Mais peu vont y arriver. D'accord ? Donc c'est le genre d'erreur que vous allez rencontrer fréquemment. Et que si vous travaillez en com dans l'entreprise, vous devez être prêt à challenger pour dire « ça ne va pas parce que ça n'est pas clair pour notre identité, parce que ce n'est pas clair pour notre personnel, parce que même nos clients qui vont voir comme vision leader européen de notre marché, voilà, je ne sais pas si vous, ça va vous inciter à acheter plus ou moins les produits ou services de cette entreprise-là, mais je ne pense pas. Parce que ça ne veut tout simplement pas dire grand-chose. Ça va ? Alors, on va voir maintenant un exemple concret de tout ça. Exemple que j'ai exprès été tiré du monde non marchand. Pourquoi ? Pour vous montrer que, en dehors du monde de l'entreprise, on fait aussi le même type d'exercice. D'accord ? J'essaierai, si je l'obtiens, parce qu'ils viennent de le faire et ils l'ont très bien fait, de vous présenter, soit la semaine prochaine, la semaine suivante, l'exercice que la Croix-Rouge a fait aussi, qui est une grosse entreprise et son exercice était plutôt bien fait. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est l'exercice vision, mission, valeur qui a été fait pour une ASBL qui est dans le secteur culturel éducatif et qui travaille avec des jeunes. Leur idée étant de se dire, nous, ce qu'on veut finalement, c'est aider les jeunes à se développer à travers les arts de la scène que sont le chant, la danse, le théâtre. Oui ? Bien, ok, donc on va voir cet exemple là. Simplement, ce que je vais vous présenter, ce sont les slides qui ont été utilisés pour présenter le projet à la direction de cette ASBL. Donc quand vous allez voir en titre notre identité aujourd'hui, ben, vous remplacez l'aujourd'hui par hier, et quand vous allez voir notre identité demain, vous remplacez le demain par aujourd'hui, puisqu'on a fait un exercice de transformation avec eux. L'ASBL s'appelle Ballet Masque, comme ça vous comprenez quand vous voyez apparaître ce terme-là. Alors, donc quand je suis arrivé avec ma collègue dans cette ASBL, qui nous appelle pour demander de retravailler leur identité, parce que c'est pas clair, ils sentent que c'est pas clair, mais ils ne savent pas comment faire, on arrive et il y a déjà des documents. Et dans les documents, on trouve ceci, notamment au niveau de la vision. Je vous laisse lire. Ça vous parle, ça vous motive, ça vous donne envie de danser. Pas vraiment, hein. C'est pas ce qu'il y a de plus clair dans la formulation. Alors, dans le même ordre d'idée, il y avait aussi une deuxième partie qui expliquait la mission. Dire aussi. Alors maintenant que vous avez vu les deux, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Qu'est-ce qui doit se poser d'office comme question? Qu'est-ce qui vous dérange, qui vous perturbe, ou qu'est-ce que vous trouvez bien? Il y a quelque chose de bien. Regardez bien ce texte-là, et je vous remontre dans 5 secondes le texte qu'il y avait qui définissait la vision. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre les deux ? Voilà, il y a déjà du mélange, il n'y a pas une véritable scission qui permet de dire le cap c'est ceci et les moyens d'y arriver c'est cela. Ok ? Donc effectivement, c'était clair qu'avec ce type d'écrit, on ne pouvait pas affirmer une identité qui soit évidente pour cette association. Bon, nous, on était là pour réécrire, hein, donc la première chose qu'on a fait, c'est de proposer une réécriture de la vision que vous voyez là, qui est un peu plus longue, mais qui déjà donne une idée ambitieuse parce que on parle de rêves et d'éléments qui sont pas forcément faciles à atteindre, mais avec déjà un peu plus sous forme de bullet point. Deux, trois éléments plus marqués. D'accord ? Bon, après, il faut que ça corresponde ou non à l'intérieur de l'association. Ici, c'était le cas, donc ça ne posait pas de problème. Mais là, vous êtes dans ce qu'on appelle l'expression d'une vision. Ce n'est pas quelque chose qu'on va atteindre demain, ni même après-demain, mais c'est le cas. C'est le sens qu'on donne à l'action pour toutes les personnes à l'intérieur je contrôle les personnes avec Snapchat. Ensuite, vous aviez la nouvelle expression de la mission, qui là est déjà, comme vous pouvez le constater, beaucoup plus précise. Et je vais vous expliquer en quoi c'est plus précis. Cette association qui travaille avec des jeunes, c'est comme un mouvement de jeunesse, si vous voulez, pour ceux qui font partie des scouts et des guides ou autres. Ils ont donc forcément des animateurs ou des professeurs qui sont des profs de danse, des profs de chant et des metteurs en scène, puisqu'ils travaillent à partir du chant, de la danse et du théâtre. Si vous êtes pressenti, si vous avez envie de bosser comme animateur dans cette association, ou bien si on vient vous chercher pour dire « Tiens, tu sors d'une école artistique, nous on cherche des chorégraphes, est-ce que ça t'intéresse de venir bosser avec nous ?» Et que la personne va lire ça, normalement, ça lui donne déjà, ça doit déjà lui donner une indication sur la culture interne de l'association, et la façon dont on va bosser. Pourquoi ? Parce que quand vous allez dire, chacun participe à la création artistique. Ah, ça veut dire quoi ? C'est pas moi en tant que prof qui crée les chorégraphies, c'est aussi tous les membres et tous les jeunes ? Oui. C'est la même chose. Chacun apprend la vie en groupe. Ah, je suis pas uniquement un prof, je suis aussi un animateur. Ah ben oui. Vous êtes avec des jeunes dans un mouvement de jeunesse, donc vous êtes aussi animateur. Idem pour le troisième point. D'accord ? Donc, ça vous montre que dans ces formulations, ça donne du sens dans la façon dont les choses vont être travaillées. Ça va ? Donc ça, c'était pour l'exemple de la réécriture entre vision et mission. Après, on avait les valeurs. Alors, pour les valeurs, ce n'était pas compliqué, ils en avaient. Les voici. Donc, quand on est arrivé pour faire le travail de consultance, on a trouvé ça comme valeur. Rappelez-vous ce que je vous ai dit quand on a parlé de culture d'entreprise, des valeurs, on travaille sur combien ? Trois, cinq maximum, hein. Au-delà, les gens ne retiennent pas, et même 5, c'est déjà beaucoup. Ici, je ne sais plus, il doit y en avoir 17 ou 18. Voilà. Avec en plus, des choses que personnellement, je n'ai jamais très bien compris, c'est qu'est-ce que c'est que le respect comme prédisposition a priori positive, et qu'est-ce qu'on fait comme différence entre ça, le respect de soi, le respect des choses. Enfin, c'était un peu beaucoup, et c'était un peu mélangé. Alors ce qu'on a fait ici, retenez-le parce que ça peut être utile aussi, c'est le type d'exercice que vous risquez d'avoir à faire à certains moments, c'est comment on va faire émerger des valeurs dans une organisation. Ben, c'est en posant la question aux gens de quelles sont les valeurs qui vivent ou qui les touchent. Et donc quand on a fait ce travail pour cette association, on n'a pas réinventé des valeurs. Non, on a fait une enquête. Voilà. Donc on a fait une enquête où on a simplement repris les valeurs qui existaient, mais où on a posé deux questions différentes à tous les membres. Vous le voyez au-dessus, la première question, c'est quelles sont les valeurs qui sont importantes pour vous, personnellement. Et la deuxième question, de l'autre côté du tableau, quelles sont les valeurs qui sont visibles au quotidien au sein de l'association. Et vous voyez que dans les indices de réponse, on a quand même des différences importantes. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant si vous faites ce type d'exercice en entreprise. Quand vous voyez en deuxième ligne, écoute, indice d'importance personnelle, 7, indice de visibilité à l'intérieur, 2, ça fait un sacré gap. Ça veut dire que l'écoute est importante pour beaucoup de gens, mais qu'ils ont plutôt le sentiment que ce n'est pas vraiment respectée à l'intérieur. D'accord ? Donc, ce sont des indicateurs qui sont importants pour les choix, parce que malheureusement, dans des entreprises, on va souvent faire le choix d'une valeur parce que les personnes qui sont autour de la table pensent aux valeurs qui sont importantes pour elles. Or, que ce qu'il faut aller chercher, ce sont les valeurs qui vivent au sein de l'entreprise. Parce que c'est ça qui va être moteur. Alors, une fois qu'on a eu ce résultat-là, comme ce n'était pas évident de dire après, ben tiens, quelle valeur on va vous proposer de choisir, on a procédé à un regroupement de ce qui pour nous était similaire. Les quatre formulations différentes de respect, ben du respect c'est du respect, il n'y a pas besoin de splitter en quatre. Et puis il y avait une série d'autres termes comme ça qu'on pouvait aussi regrouper. Et en regroupant les choses, ben là, on commençait à trouver des indices beaucoup plus intéressants. Et on n'a pas cherché à réinventer la roue. Ce qu'on a proposé à l'association comme valeur, ce sont les trois qui sont les plus visibles, le respect, la solidarité et l'enthousiasme. Et ça a marché. Ça a marché aussi parce que elles ont été définies par rapport à l'association. Je pense que je vous avais peut-être déjà parlé d'un exemple là-dessus. Quand vous avez parlé de coworking, non, ça ne vous dit rien. C'est que les entreprises aujourd'hui peuvent avoir des valeurs qui paraissent identiques ou similaires. Mais c'est la définition de ce que ça représente pour l'entreprise qui peut être différente. Et c'est ça qui est important de préciser. Ça va? Est-ce que vous êtes au clair là-dessus? À tous les membres. Pour l'instant, je suis occupé avec la Croix-Rouge pour construire avec eux leur nouvelle stratégie de communication interne. On a fait une enquête sur les 1200 salariés. 1200 salariés, 26 questions. Je ne vous dis pas la quantité de données, ça fait un classeur comme ça. Mais c'est utile. On aura l'occasion d'en parler quand on parlera des mesures en communication interne. C'est une des chances que vous avez quand vous travaillez dans ce domaine, c'est que, en théorie, la totalité du public, vous le connaissez, vous pouvez l'appréhender. Vous avez normalement un fichier au département du personnel avec l'ensemble des employés, collègues, travailleurs, tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez travailler sur des données qui vont être beaucoup plus fiables que si vous faites des enquêtes externes. Quand vous avez fait des enquêtes externes pour des positionnements de produits ou enquêtes de tout type comme vous en voyez passer sur Internet, au Carrefour ou auxquelles vous avez peut-être déjà participé, qu'est-ce qu'il y a comme taux de réponse habituellement dans les enquêtes publiques? Vous avez une idée du taux de réponse? Oui, 20%? On est de l'ordre de 4-5% de taux de réponse sur un échantillon. Donc ça veut dire qu'on n'interroge pas toute la population. On sélectionne les catégories de public pour créer l'échantillon et poser les questions. Quand vous allez faire des enquêtes comme interne ou en interne tout court, puisque vous pouvez avoir d'autres questions que la comme interne dans les entreprises, on ne s'embarrasse pas d'échantillons. Hein. On interroge la totalité du personnel. Et si vous avez un taux de réponse qui est inférieur à 50%, c'est que votre entreprise a un gros problème. Normalement, vous devez atteindre des taux de réponse qui sont entre 60 et 75. Parce que les gens sont concernés. C'est leur boîte, c'est là qu'ils bossent tous les jours. Ok ? Petite pause.